mon bébé venez pour tout. Ah, je suis son chouchou. J'ai mis ta salade dans le pétouillé. Moi non, non, non, je fais pas joujou. Car mon bébé venez pour tout. Ah, pour les soujous. Fais pas la bistine pour couiller. Fais gaffe à la saille pour tout. Et mon bébé venez pour tout. Ah, je suis son chouchou. J'ai mis ta salade dans le pétouillé. Moi non, non, non, je fais pas joujou. Car mon bébé venez pour tout. Pas boire, ça m'a emboucané. Les flashs de Bobo, ça m'avait scanné. Au final, j'ai bu, j'ai fumé plané. J'ai crié, j'pense faire le canné. J't'ai vu, j'étais belle et mignonne. Pas attirée par le million. Et j'aime pas quand tu m'ignores, quand tu me fais la minote. J'suis sonné dans le vide toute la journée. J'ai croisé des bâtards toute la journée. J'ai trop fumé et ma tête tournée. J'mets des vite teintés, ils m'ont tout saoulé. J'ai vu ton vie, j'ai vu tes manières. Pour toi, t'es bizarre, j'sais pas où t'as mal. J'ai vu ta tête le matin, le soir. J'ai vu son gros poule. Mon pétou. Ah, pour les sous-sous. Fais pas la bistine pour couiller. Fais gaffe à la saille pour tout. Et mon bébé fait des poutous. Ah, je suis son chouchou. J'ai mis ta salade dans le pétouillé. Moi non, non, non, je fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Wesh le poteau. J'ai de la team que tu fais le signe et on fait la photo. Et tous les étés, je me dis qu'il me faut le permis moto. J'fais pas le BG, j'ai le vide, j'ai pas les biscottos. Au resto avec la team, y'a du rosé dans le sodo. Wesh le poteau. Hey, hey, il est fou de toi. Mais si t'aimes, j'crois qu'il meurt pour toi, ouais. Hey, hey, rassure-toi. Elle aussi, elle est dingue de toi, ouais. Hey, hey, et détends-toi. Ou ça va tiquer la compte à tante, ouais. Hey, hey, j'suis devant toi. J'fais pas m'vanter, moi je n'invente pas. Ah, pour les sous-sous. Fais pas la bistine pour pouiller. Fais gaffe à la saille pour tout. Et mon bébé fait des poutous. Ah, je suis son chouchou. J'ai mis la salade dans le pétouillé. Moi non, non, non, je fais pas joujou. Car mon bébé fait des poutous. Il m'a laissé un com de fils de. J'ai signalé. Y'a trop de jaloux là-bas, j'ai plus envie d'y aller. C'est fini l'époque où j'allais en ville à pied. Je zonnais sous réserve en bingo, j'pille avec. Y'avait pas autant de sous, moi tu t'y avais. Rien qui tourne, tourne, tourne. Ils ont les gros, ils veulent te mettre à terre. Donc cours.